Sprechen Sie Occitanisch? Et la fille, c'est dans la main, c'est dans la main des Genève, ça, ça. C'est dans la main des Suisses roumains. Ah mais ici, c'est comme un théâtre romain. Hein, c'est déjà l'espagnol. Ah non, ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Hein. Ah, l'espagnol, c'est ça, le français. Oui. In English, do not lean out of the window. That is very dangerous. It's not a métier. Okay. En Occitan, c'est pas un métier d'homme. C'est pas un métier d'homme. Faire des billes. Oui. Sauf que parler de las fiennes, de las pichotas. Oh, la cosa è un vestito. Mais faire des. Fare di musica della natura, da me pa vesu, no. E fare di musica della natura, ni a tutto il tempo. A co appelle a co, los intellettuali occitan, appelle a co un pleonasmo. Thank you.